Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans l'émission de Portrait Civique, donc l'émission qui dresse un portrait de jeunes en service civique chaque semaine. Alors aujourd'hui on est donc avec Colline et Delphine Miotte, donc directrice adjointe de l'agence de Romiremont. Donc Colline qui vient juste de finir son service civique à Vaugelis. Est-ce que vous pouvez toutes les deux dire un petit peu ce que c'est Vaugelis pour les gens qui ne connaissent pas? Je laisse Delphine parler. Donc Vaugelis, c'est 17 500 logements sur l'ensemble du territoire des Vosges, donc sur 112 communes. On loge 8% de la population des Vosges, et dont une forte proportion de seniors, puisque 35,7% des locataires ont plus de 60 ans. Voilà. Donc c'est un petit peu la caractéristique, je pense, des Vosges, c'est qu'on a une population qui est vieillissante, et du coup, voilà. Après, on loge tout type de personnes, des familles, voilà, et donc répartis sur 112 communes et 17 500 logements. Ok. Voilà. Oui. D'autres choses ? Donc par rapport à Vaugelis, il y a 5 agences sur les Vosges, donc Remiremont. On a une agence sur Épinal, Mirecourt, Neuchâteau et Saint-Dié-des-Vosges. Ok. Voilà. C'est déjà bien réparti sur... Sur l'ensemble des Vosges, puisqu'on vraiment on a des logements sur tout le département. Voilà. Okay. Donc à la fois des logements collectifs, des individuels, des résidences pour des personnes âgées, des résidences pour les étudiants. Donc on touche vraiment tout type de population sur les Vosges. Vous êtes un bailleur social, c'est ça ? On est un bailleur social, donc on loue des logements qu'on appelle conventionnés, c'est-à-dire qu'il y a des règles pour l'attribution des logements. Mais globalement, notamment sur les Vosges, quasiment l'ensemble de la population, une grosse proportion de la population peut accéder à des logements dans le parc Vaugelis. Voilà. Est-ce qu'on peut vous comparer à une agence immobilière ? Et si non, quelles sont un peu les différences entre Vaugelis et une agence qui louerait des biens Alors de plus en plus, on se rapproche d'une agence immobilière puisque quand quelqu'un fait une demande de logement, puisque c'est le principe, il faut faire un dossier de demande de logement, donc soit papier, soit en ligne sur Internet. On va contacter en fait la personne qui fait sa demande de logement et on va chercher à comprendre quels sont ses besoins. Donc où est-ce qu'il veut habiter, combien de chambres il veut, sur quelle commune, combien il a d'enfants, s'il a des enfants, s'il est en couple ou non. S'il travaille quelque part, quels sont vraiment ses besoins, on va essayer de cerner tout ça. Et ensuite, on va comparer avec les logements dont on dispose, et notamment les logements disponibles et vacants, et on va proposer des visites. Voilà. Ensuite, après, il y a tout un processus qui est différent des agences immobilières, à savoir qu'une fois que le dossier est constitué, on doit passer en commission d'attribution et la commission d'attribution va attribuer ou non un logement à la personne qui en a fait la demande. Savoir que la commission d'attribution, c'est des représentants de différents, organismes ou, par exemple, il y a un représentant de la CAF, il y aura un représentant de l'État, il y aura un représentant de Vaugelis, il y aura des représentants des locataires, des représentants des syndicats, je crois, je dois en oublier, mais en gros, il y a tout un panel de représentants qui sont présents à cette commission, qui se tient 3 fois par mois, et c'est eux qui étudient les dossiers pour attribuer les logements. Mais en général, quand les dossiers sont complets, qu'on ne dépasse pas les plafonds et qu'on a bien fait notre travail, il n'y a pas de raison que ça ne passe pas et que le logement ne soit pas attribué. Mais c'est le principe. Voilà. Il faut des critères sociaux, donc, pour... C'est ça. En fait, il y a des plafonds de revenus. Je ne peux pas les donner là. Enfin, je ne les ai pas spécialement en tête, mais... Il y a quand même des plafonds à respecter, mais comme je le disais tout à l'heure, vraiment, il y a une grosse proportion de nous tous, en fait, qui pouvons accéder à un logement social. Voilà. Ok. Il y a tous les critères, j'imagine, sont expliqués peut-être quelque part sur votre site internet. Exactement. Sur le site internet, l'ensemble des critères sont repris. Et puis, il y a toutes les agences qui sont aussi disponibles pour répondre aux questions et puis étudier ensemble voilà, toutes les demandes. Quand on parle de bailleur social, on pense souvent à des HLM, genre des gros bâtiments tout blancs, avec tout petit, des petits studios. Est-ce que c'est vraiment que des logements comme ça, à Vaugelis ? Non ! D'accord. Non, c'est vrai que c'est un cliché qui a la vie dure. C'est vrai qu'on a un petit peu voilà, des quartiers où on a une concentration de bâtiments qui est un peu plus importante et qui sont quand même marqués, effectivement, comme on disait avant, HLM. Même si, je pense que vous avez déjà remarqué qu'on a beaucoup, on a fait beaucoup d'efforts, on a fait beaucoup de travaux sur nos quartiers, de réhabilitation, d'amélioration du cadre de vie. Et maintenant, on a vraiment des bâtiments qui esthétiquement sont à la fois jolis, confortables, et en plus on essaye de vraiment limiter les charges pour les locataires. Donc on va isoler, on va changer les fenêtres, on va remplacer le chauffage, on va faire en sorte vraiment que les locataires payent le moins de charges possible, tout en ayant un loyer qui soit vraiment très abordable. Voilà. Donc c'est vrai qu'on a encore des quartiers où on a plusieurs bâtiments. Maintenant, esthétiquement, je trouve qu'ils sont quand même plutôt sympas. Et après, à côté de ça, on a sur les communes des bâtiments qu'on n'identifie pas du tout comme étant des logements sociaux. Et pourtant, ça en est. Et il y en a plein dans le coin. Par exemple, juste à côté, on peut dire que Place de l'Hôtel de Ville à Saint-Étienne, on ne peut pas dire que ce soit marqué HLM comme certains pourraient le dire. Même Chemin de l'Abreuvoir, c'est pareil. Enfin, et comme ça, on a plein de quartiers ou plein de bâtiments en ville qui sont des logements vaugélistes et qui pourtant ne sont pas marqués logement social. C'est pas forcément dans un quartier, pas au centre-ville, c'est ça aussi que vous dites. Voilà, ça peut être au centre-ville, ça peut être du pavillon, ça peut être un bâtiment en ville, un bâtiment ancien. Enfin, on a différentes typologies. Et donc, il y a 5 agences, et on est d'accord qu'on peut rechercher pas forcément dans les villes où il y a l'agence. C'est-à-dire que c'est pas parce que c'est Épinal, Remiremont que les offres, ça sera que des logements à Remiremont, Épinal. Alors, il y a vraiment dans tout le département, même au fin fond des Vosges, entre guillemets. Oui. Ça reste quand même des villes. Chaque agence a quand même un territoire donné. C'est-à-dire que si vous cherchez un logement à Neuchâteau, il faudra quand même contacter l'agence de Neuchâteau. La demande de logement, elle pourrait être déposée à Remiremont, mais nous, on va leur transmettre la demande pour qu'ils puissent étudier des propositions de logement, puisque c'est eux qui maîtrisent leur patrimoine. Voilà. Par contre, l'agence de Remiremont, par exemple, on a des logements jusqu'à la Bresse, donc la Bresse, Cornimont. Après, on va descendre toute la vallée jusqu'à Remiremont. On remonte aussi jusqu'à Bussan et on redescend toute la vallée. Et de l'autre côté, on va jusqu'à Xertigny. On va aller jusqu'à Fontenoy-le-Château, Bellefontaine. Enfin, voilà, on a vraiment des logements sur tout le sud, en fait, des Vosges. OK. Voilà. Alors, vous avez... Vaugelis a créé aussi 2 marques, Habitalis et Neobilis. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Donc, Habitalis, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, donc la population plutôt vieillissante et donc nos locataires qui aussi, eux, vieillissent. Donc, Vaugelis a décidé, donc le nouveau directeur général a décidé de créer une marque, Habitalis, qui va proposer des services donc aux seniors. Et donc, à la fois par rapport aux situations d'isolement qu'on peut rencontrer, à la fois par rapport au fait que les gens n'ont plus forcément les moyens d'avoir une couverture santé, les gens vont perdre de l'autonomie. Donc, en fait, Habitalis va proposer des services pour pallier à ce vide, en fait. Et notamment, on a recruté 2 chargés d'innovation sociale qui vont faire du lien social, qui vont aller rencontrer les gens qui sont en situation d'isolement ou qui ont des difficultés à assumer leurs charges financières au niveau... Donc il y a des études qui vont être faites, notamment pour faire des économies dans le logement, au niveau de l'eau, au niveau de la consommation électrique, de chauffage, etc. C'est des conseils qui vont être donnés et personnalisés. Donc ça, c'est donc les chargés d'innovation sociale qui vont proposer ça. On a également un partenariat avec Harmonie Mutuelle pour proposer aux personnes qui n'ont plus les moyens, a priori, je dis bien a priori, d'avoir une couverture santé, une mutuelle. Et donc, par l'intermédiaire d'Harmonie Mutuelle, il y a une étude personnalisée du dossier qui va être fait pour proposer une mutuelle à moindre coût. Voilà. Et tout le monde, en fait, peut... Enfin, toutes les personnes qui pensent ne pas avoir les moyens d'avoir une mutuelle, en fait, il y a une solution qui peut être trouvée pour avoir une couverture santé efficace et pouvoir se soigner correctement. Voilà. Ensuite, la petite dernière, on va dire, donc c'était Colline, pardon, qui donc a été embauchée, qui est plutôt en contrat en Service civique, donc avec Phase Vosges, donc c'est un partenariat avec Phase Vosges, et qui on a créé un nouveau métier avec elle qui est écrivain public numérique. Donc je pense qu'elle pourra peut-être mieux vous en parler que moi. Mais l'idée, c'était de proposer donc à nos locataires à la fois des personnes qui n'ont jamais été baignées vraiment dans le numérique, et puis un peu tout le monde, en fait, qui se sentent débordés par des formalités administratives, qui ne savent pas vers qui s'adresser, qui n'ont pas de connexion Internet. Donc Charline va être là, en fait, pour les assister dans leur démarche, dans leur formalité administrative autour du logement. Donc ce sont souvent maintenant des démarches qui se font en ligne. Donc nous, on a des accès Internet et on peut proposer, en fait, d'accompagner sur un poste informatique les personnes qui le souhaitent pour effectuer ces démarches. Donc par exemple, ça va être constituer un dossier de demande de logement. Ça va être faire une demande auprès de la CAF pour avoir des prestations sociales, donc familiales ou de l'aide au logement. Ça va être faire un courrier de résiliation pour un abonnement téléphonique. Ça va être faire une demande d'ouverture de compteur dans le cadre de déménagement, par exemple. Il y a tout un tas de démarches à faire qui sont des ouvertures de compteur, un suivi de courrier, un changement d'adresse, auprès de la banque ou autre. Et donc, Colline va pouvoir assister les personnes qui le souhaitent à faire tout ça. Voilà. Voilà. Ouais. Alors ça va surtout avec le côté donc, service à la personne et surtout donc, pour les seniors. Donc ça, c'est Habitalis, c'est ça ? C'est ça. Et alors on va revenir bien sûr sur Colline et son service civique. Peut-être juste finir Néobilis pour savoir un peu ce que c'est. Donc Néobilis, c'est une toute nouvelle entité donc qui a été également créée, et son but premier, c'est l'accession sociale à la propriété. C'est-à-dire qu'en fait, Néobilis va construire des logements, donc ce sont des pavillons qui sont destinés, en fait, à des personnes qui ont des revenus, à l'intermédiaire entre « je peux accéder à la propriété, mais c'est quand même juste, je suis pas sûre », voilà. Donc en général, ce sont des familles, des jeunes familles, des jeunes couples avec un enfant ou deux enfants. Et donc Vosgelis va construire, en fait, des pavillons et accompagner ces personnes qui le souhaitent pour acquérir, en fait, le pavillon. Et c'est une démarche qui est complètement sécurisée, c'est-à-dire que on va à la fois les aider à monter un plan de financement, on va les aider à avoir un prêt auprès de la banque, et puis malheureusement, s'il y a un coup dur qui arrive dans le foyer, Vosgelis est là pour sécuriser, c'est-à-dire que alors je vais pas rentrer dans les détails exactement parce que du coup je les connais pas forcément en détail, mais en gros Vosgelis peut racheter en fait le pavillon et du coup la famille en fait se retrouve pas dans des situations compliquées à la fois financièrement et personnelles. On peut aussi proposer un relogement, s'il y en a besoin. Alors, pourquoi séparer un petit peu les trois ? C'est peut-être beaucoup de démarches administratives ou des questions de... Alors, en fait, oui, à la base, Vosgelis, donc on est un office public de l'habitat, et la structure fait que on ne pouvait pas... juridiquement, c'est pas possible, en fait, de se diversifier comme on le souhaite. Donc on a été obligé, en fait, de créer d'autres structures et des marques associées pour pouvoir monter tout ça. Voilà. Ok. Alors, vous voulez rajouter un petit truc là-dessus ? Moi, j'avais juste une petite question. J'avais entendu parler d'un concept en Meurthe-et-Moselle ou Moselle, peut-être les deux. Je ne sais pas un peu si ça peut rentrer dans le côté un peu social de Vosgelis, qui est de faire de la colocation entre seniors ou de la colocation entre seniors et plus jeunes, deux générations, je crois qu'ils appellent ça un toit, deux âges. Mais je connais, j'y suis allée quand j'étais étudiante. Ok. Ah, tu as déjà fait oui. Concept Moi, j'ai même fait à Nancy, à Paris, à Amiens. Donc, pff, non, okay. Pas à Amiens. Non, à Nancy, Paris, Reims. J'ai fait. Ok, waouh, donc tu es une pro. Tu penses que ça collerait un petit peu avec ce que propose Vogelis et, Oui. Ouais. Bah ouais. Après, c'est un toit de génération ou les associations comme ça, ensemble de générations aussi, ils ne vont pas se limiter dans leur sélection de seniors, entre guillemets, sur est-ce que la personne vient d'un logement social ou est-ce qu'elle est dans un pavillon et ceci, cela. Okay. Au contraire, elle va chercher un maximum de diversité. Parce qu'il y a beaucoup plus d'étudiants qui sont en recherche d'un logement que de seniors qui proposent une chambre et tout ça, tout ça. La priorité, c'est vraiment de rompre l'isolement de la personne âgée. Voilà, okay. C'est ça. C'est un peu quand même aussi ce que vous faites à Vogelis, mais parmi vos locataires, à vous, entre guillemets, quoi. Oui, alors en fait, c'est vrai qu'on a construit des programmes, notamment pour les anciens, où la configuration faisait que les gens pouvaient se rencontrer. C'était un lieu de vie paisible, où il y avait une petite placette, etc., où les gens peuvent se rencontrer. Après, de la colocation... c'est pas vraiment notre cœur de métier, en tout cas pour l'instant. C'est vrai qu'on y a pensé et c'est quelque chose peut-être à étudier. Ça se fait plus pour les étudiants. C'est vrai que sur certaines communes où il y a des étudiants dans les Vosges, on a des demandes de logements étudiants. Et quand on n'a plus de petits logements, typiquement, on va proposer de faire des colocations. Et donc après, c'est les gens qui s'organisent par affinité et on va leur proposer un gros logement, un type 4 ou un type 5, qui vont se partager à deux ou trois. Donc ça, c'est des choses qui se font spontanément, sans que ce soit spécialement organisé, même si on va le suggérer. Voilà. Alors, c'est peut-être un service civique qui... Enfin, il y a peut-être encore actuellement des jeunes en service civique, mais en tout cas, j'avais vu un vieil article. Alors, c'est peut-être pas avec OGI, c'est peut-être avec FAS, de quelqu'un justement qui allait chez les gens faire un peu du lien. Il y a toujours ce service civique. Oui, donc ça, c'est... Alors, c'est Amélie... Lombard et Charline L qui ont été en service civique toutes les deux, et elles ont été en fait embauchées par la suite, enfin en tout cas pour Amélie, et Charline continue, donc elle a eu un contrat, elle a été prolongée par un contrat, et donc effectivement elles vont chez les gens qui sont en situation d'isolement, et soit parce que le chargé de clientèle aura détecté qu'effectivement c'est une personne qui reçoit pas de visite, ou soit parce que le voisinage nous l'aura dit, ou soit parce que à l'occasion d'une discussion, on se rend compte que la personne ne reçoit pas de visite. Et donc, du coup, elle va prendre rendez-vous et elle va se déplacer une après-midi chez la personne pour discuter, échanger de tout et de rien. Voilà, de son ancienne vie. Souvent, c'est ça qui revient. Sa jeunesse, les enfants qu'elle ne voit plus trop, les petits-enfants. Enfin, voilà. Donc ça, ça existe toujours. Voilà, c'est toujours quelque chose qui se fait chez nous. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est apprécié les anciens apprécient de pouvoir recevoir ces visites. Du coup, pour vous, ça a été l'occasion en fait de créer quelque chose de nouveau avec le service civique, voir comment ça marche et puis comme ça a tellement bien marché en fait de les embaucher après, c'est ça quoi. C'est ça, en fait, on prolonge. Alors, elles ont d'autres missions, ça a été diversifié parce que il y a d'autres missions qui ont été rattachées et qui font partie aussi du lien social, par exemple, d'animation sur les quartiers. On va proposer des animations, des activités. Et donc, c'est elles qui vont organiser tout ça. Alors, une petite question historique. J'ai vu que donc Vogelis existait depuis 1919. Ça fait presque 100 ans. C'est quand même un certain nombre. Je me demande, il y a 100 ans, est-ce que vous aviez déjà les mêmes objectifs? Enfin, comment est né un petit peu Vogelis? De quel besoin? Je ne sais pas si vous savez, parce que j'imagine que ça fait longtemps. C'est vrai que l'année prochaine, on fête les 100 ans. Donc c'est en préparation. Je pense qu'au départ, le patrimoine n'était pas aussi conséquent qu'il s'est construit un petit peu au fur et à mesure. Les besoins et les attentes des gens n'étaient pas forcément les mêmes, à savoir que il y a 100 ans, un logement Vogelis, alors à l'époque ça s'appelait pas Vogelis, mais c'était l'Office public d'habitation à bon marché des Vosges. Voilà. Okay. Donc en fait, c'était déjà des habitations qui étaient... C'était des habitations pour l'époque qui étaient hyper confortables parce qu'on avait une salle de bain, on avait des sanitaires, ce qui n'existait pas en fait dans le parc d'habitations, on va dire, moyen. Et donc du coup, c'était des logements qui étaient très appréciés. Quand je pense alors plus tard au Rumont, quand ça a été construit, le témoignage qu'on peut avoir des gens, c'est que c'était des logements hyper confortables, lumineux, avec des grandes baies vitrées, ce qui ne se faisait pas en fait avant. Et c'est vrai que c'était très apprécié. Et petit à petit, c'est devenu la norme et voilà, le parc s'est diversifié. Alors, une petite question qui est peut-être un peu cliché, et je pense que beaucoup de gens l'ont en tête. Dans les campagnes, en gros, les gens partent et il reste plein d'habitations. Alors, il y a plein de logements vides, pas chers. Ça, c'est un peu le cliché qu'on a. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Est-ce que, justement, vous proposez quand même des choses, comme vous dites, peut-être des logements qui ont été re-améliorés je ne sais pas, par rapport à l'offre Alors, c'est vrai que... En fond de vallée, on a un petit peu moins de demandes. Les gens se rapprochent plus des villes. Les jeunes vont chercher du boulot là où il y a du travail. Et c'est vrai que c'est pas forcément le cas sur toutes les communes. Donc on a plus de demandes, par exemple, sur Épinal, sur Remiremont, sur les communes un peu plus importantes. Maintenant, on a quand même des populations qui sont ancrées et qui veulent malgré tout rester dans leur ville, dans leur village. Et on essaye de proposer des logements qui, comme je vous le disais tout à l'heure, soient bien entretenus, soient améliorés. Et on adapte en fait nos logements à la demande, à savoir, comme je le disais tout à l'heure, la population est quand même vieillissante, nos locataires aussi. Et donc, du coup, on essaye de proposer à la fois des services et d'aménager les logements pour que ces personnes puissent rester le plus longtemps possible chez eux. Justement, voilà. Par rapport aux personnes âgées, vous leur proposez des nouveaux logements adaptés ou c'est vraiment on prend leur logement où ils sont déjà et on essaye de leur améliorer le quotidien? Alors, il y a un petit peu les deux, c'est-à-dire que quand les personnes habitent en rez-de-chaussée ou en premier étage maximum, on considère, et si elles se sentent, de pouvoir montrer les quelques escaliers pour accéder à leur logement. Après, en bâtiment collectif, leur logement, finalement, il est de plein pied. Donc on va pouvoir aménager une douche, on va pouvoir mettre des barres pour les aider au quotidien, on va pouvoir mettre quelques équipements qui vont faire qu'ils seront en sécurité dans leur logement. Après, c'est vrai qu'il y a des personnes qui vont habiter au troisième étage et du coup, ça devient plus compliqué. Donc, on va les accompagner pour justement trouver un logement plus adapté. Et les logements neufs qu'on va construire, en grosse partie, en fait, ce sont des logements qui sont adaptés à des personnes qui sont à mobilité réduite, donc à la fois des personnes seniors, donc qui ont pour qui le risque de chute, par exemple, est quand même plus important qu'une personne plus jeune, et à la fois des personnes qui sont handicapées et qui, du coup, ont besoin d'un logement de plein pied, adapté avec une douche à l'italienne, avec une terrasse qui soit accessible depuis le salon sans qu'il y ait une marche, avec des volets roulants électriques, par exemple, parce que des volets à manivelle, c'est difficile de manœuvrer quand on vieillit, parce qu'on a de l'arthrose dans les doigts, enfin voilà. Donc c'est tout un tas d'équipements qui sont prévus à la construction. Mais sinon, c'est pas tout le monde ne peut pas y accéder, évidemment. Puis il y a des gens qui souhaitent rester chez eux. Donc quand c'est possible, on fait les aménagements, voilà. Donc ça se fait pas du jour au lendemain, il faut faire une demande. Ça demande un petit peu de temps, mais c'est des choses qui se font. Ok, je pense qu'on en a, on en sait en tout cas plus sur Vaugelis. Alors une dernière petite question, ça s'appelle Vaugelis, ça s'écrit comme les Vosges, donc j'imagine c'est que le département ? Alors, jusqu'à présent, c'était que le département, et en fait, on est en train de manger un petit peu à l'est, un petit peu à l'ouest, puisqu'on va en fait acquérir un office sur l'Alsace. À Sainte-Marie-aux-Mines, et donc du coup ça fera partie de Vaugelis et on aura un petit pied en Alsace et bientôt peut-être un peu plus à l'ouest. Okay. Par contre, je suis pas sûre de pouvoir en dire plus. Pas de soucis. Vous savez s'il y a d'autres structures de ce même genre en France que Vaugelis, équivalentes? Comme des ça, structures, ben des, si, des offices ouais. Qui proposent du logement social, il y en a dans tous les départements. Après, il y a différentes structures. Il y a soit des offices départementaux, il y a des offices plus au niveau d'une agglomération. Et en fait, ben, je pense que tout le monde a entendu les réformes en cours par le gouvernement. Le but, c'est de fusionner un peu tout le monde et de réduire le nombre d'organismes. Et ben, Vaugelis, c'est tout à fait dans cette démarche d'essayer de grossir un petit peu parce que à la fois c'était une volonté de notre directeur général et à la fois c'est imposé aussi par les lois qui arrivent. Eh ben, je vous propose une première pause musicale et donc dans l'émission de Portrait Civique, avant d'en savoir plus donc sur les services civiques de Colline à Vaugelis, et je vous propose donc une musique d'un petit groupe qui est du coin, qui s'appelle la Tchav Project, avec leur chanson Le Petit Grégoire. La maman du petit homme lui dit un matin à 13 ans, t'es haute comme trois pommes et t'as la tête d'un bout de sang. À la ville tu ferais bon apprenti, mais pour ce qui est l'amour et la terre, t'es encore trop petit ami, t'es encore trop petit homme. Eh oui! D'entendre la musique Le Petit Grégoire du groupe La Tchav Project, qui s'est malheureusement séparé il n'y a pas longtemps. On espère vraiment qu'ils vont se remettre ensemble. Donc c'était un petit groupe lorrain. Et vous êtes toujours dans l'émission de Portrait Civique. Et aujourd'hui, on présente donc la structure Vaugelis. Et on est avec Colline, qui vient de tout juste finir son service civique. Colline, est-ce que tu peux nous dire exactement en quoi consistait ta mission ? Alors, ma mission s'intitulait écrivain public numérique, ou écrivain public aussi, il y a les deux qui existent. Et donc, ma mission, ça a été d'aider les locataires des agences de Remiremont et aussi de l'agence d'Épinal, aider les locataires dans leur démarche administrative. Alors après, derrière démarche administrative, on met beaucoup de choses et ça peut être des démarches administratives sur papier comme des démarches administratives sur ordinateur qui nécessitent d'aller sur Internet. Et donc, je peux dire que j'ai surtout aidé les personnes qui déménageaient d'un appartement de Vaugelis à un autre dans leur démarche de déménagement, parce qu'il faut appeler des fournisseurs d'énergie, il faut signaler des changements d'adresse, il faut appeler des fournisseurs Internet si jamais c'est nécessaire, voilà, tout ça. Alors, c'est marrant cette dénomination écrivain public, ça rappelle un peu des vieux métiers, entre guillemets. Oui. Bah après, il y a quelques personnes pour lesquelles ça a apporté confusion. Ils me demandaient tout de suite... je précise que ces personnes pour lesquelles ça portait confusion, ce n'étaient pas des locataires. C'était des gens à l'extérieur qui me disaient « Ah, alors, vous écrivez des courriers ?» Bah, en fait, non, j'en ai très peu écrit au final. Et c'était pas... l'objectif, ce n'était pas d'écrire un courrier avec un joli style, une jolie forme et tout ça, comme on peut imaginer... que c'est ce que fait un écrivain public. Voilà, après j'ai dû un peu réexpliquer, mais après sinon les locataires en voyant le flyer et puis les affiches qu'on a faites, ils ont bien compris en quoi je pouvais leur être utile. Ah oui, c'est vraiment le côté pratique plus que littéraire qu'on peut imaginer dans ce nom. Exactement. Et donc justement, c'est surtout numérique, c'est ce que tu disais. C'est beaucoup de démarches au numérique. Mmh. Alors, c'est vraiment dur pour les gens de s'adapter. Ou en fait, c'était déjà dur en version papier et c'est toujours aussi dur, mais en plus, il y a le numérique. Est-ce que tu saurais dire un peu Alors, moi, j'ai été assez... Enfin, comment dire ? Sachant que moi, j'ai quand même un bon niveau en français, j'ai un bon niveau d'études aussi, et j'ai pas de formation particulière pour traiter des démarches administratives, mais je me suis retrouvée des fois devant des papiers où je tombais sur, par exemple, une anecdote, une phrase avec deux négations. Ok. Alors, comment voulez-vous qu'on comprenne facilement et rapidement, quoi ? Ouais, tu veux dire que c'est déjà la façon dont c'est fait ne sont pas forcément évidentes. Voilà, on se retrouve des fois avec tout un texte où on n'a pas vraiment d'informations pertinentes. Et puis alors, il faut déjà se taper tout ce texte de début pour trouver ensuite les informations plus pertinentes. Il y a aussi des fois des courriers, encore ce matin, j'ai aidé une personne. On devait signaler le changement d'adresse pour la sécurité sociale. Alors on se dit, c'est quelle adresse ? On n'était plus sûr. Elle me donne un papier, elle me dit, il n'y a pas l'adresse. Et puis si, l'adresse, elle y était, mais elle était en tout petit. Elle n'était pas vraiment, dans la mise en page. C'était pas visible directement, ça frappait pas l'œil. On ne pouvait pas deviner que là, l'adresse, elle se situait à tel endroit. Donc des fois, c'est ce genre de petits trucs qui font que ça peut rendre les démarches compliquées, quoi. Et en fait, j'imagine au bout d'un moment, j'imagine qu'au début, ça devait être un petit peu pas évident peut-être pour toi. Tu n'avais jamais fait toutes ces démarches de CAF, d'impôts, etc. Si tu n'avais été que étudiante et si tu avais vécu un petit peu avec... un toit de génération, donc au début ça se passait comment ? T'étais aussi perdu qu'eux ? Et bref, j'imagine que t'as gagné un petit peu d'expérience. Parce qu'en fait, toutes ces démarches se ressemblent, j'imagine, au bout d'un moment, ou c'est toujours un nouveau challenge chaque jour ? Alors, au début, j'ai pu, avant d'aller voir des locataires, j'ai pu travailler un peu de mon côté pour faire un peu des recherches, je dirais. À force de faire des démarches, j'ai pu développer un peu des capacités, des connaissances sur ces domaines-là. Et du coup, après, ça a été plus facile pour moi, quoi. Comme je dirais, par exemple, je vois ma mère, elle est secrétaire comptable. Elle passe des coups de fil des fois. Elle reçoit des coups de fil. Et un coup, je l'entends. Elle appelle quelqu'un et puis au lieu de... elle explique son problème et pourquoi elle appelle. Et puis seulement après, elle donne la référence client. Enfin, en gros, ce n'est pas une référence client, mais elle devait donner quelque chose qui l'identifiait, qui faisait qu'on la retrouvait sur l'ordinateur, en gros. Bah moi, voilà, directement, je sais qu'il ne faut pas faire comme ça, en gros. Et moi, je sais que si j'appelle n'importe quelle administration, n'importe quelle entreprise, je vais dire directement, me présenter rapidement et donner rapidement une référence client, quoi. Avant même d'expliquer pourquoi j'arrive, quoi. Okay. Donc ça, c'est un truc que j'ai pu vraiment comprendre voilà, en faisant mon service civique. Et du coup, c'est aussi ce genre de petits trucs que j'essaye de transmettre aux locataires quand je leur rends service, quoi. C'est, je pense que je leur montre un peu ouais, voilà, des petits trucs pour que ce soit plus facile d'aller vers les administrations. Parce qu'il peut y avoir un a priori de « Ah, les administrations, je vais avoir un temps d'attente pas possible au téléphone. Ah, » Moi, on m'a déjà dit, par exemple, « Ah oui, oh, je veux vraiment plus les appeler parce que j'ai déjà appelé et puis j'ai pas réussi à me faire comprendre. Et puis après, on s'est énervé et puis ça a pas marché. » Enfin, voilà, quoi. Il y a des cas comme ça, des fois. Oui, voilà. Après, on apprend des choses comme ça sur le terrain. Et puis, oui, et puis au final, comme vous disiez, après on se retrouve avec des connaissances qu'on a développées dans le cadre de certaines démarches, qu'on va pouvoir réappliquer à d'autres démarches, parce qu'il y a quand même des grandes lignes, des grands éléments qu'on retrouve un peu partout, un peu tout le temps, quoi. Voilà, je ne sais pas si c'est très clair. Mais... Si, si, si, ah. Ouais. Et une autre question, c'est du coup, pour toi, c'est vraiment pas faire à la place des gens. C'est quand même leur apprendre un petit peu comment faire pour qu'un jour, ils puissent être autonomes. Oui. Oui. Après, je dirais que les gens s'attendent pas tellement à faire eux-mêmes, quoi. Vu qu'ils viennent me voir, ils pensent que ça va être à moi de le faire et ils pensent que c'est plus à moi de le faire qu'à eux de le faire. Okay. Parce que c'est le format même de ce qu'on leur propose en fait. Enfin, je sais pas, enfin, je pense que c'est assez normal quoi. On leur propose de l'aide, donc ils vont pas s'attendre à ce qu'on leur dise bah non, faites-le quoi. Okay. Je sais pas si. Et t'as donc... jamais eu de petite histoire où quelqu'un a dit ah oh, bah oui. Ça me motive, la prochaine fois c'est moi qui fais moi-même, j'appellerai et après qui revient, qui disant je me suis vraiment rendu compte de ouais. Ce que c'était et... On m'a jamais dit des choses comme ça, mais après on a pu me dire ah bah oui, du coup on a fait ça ensemble, du coup il reste telle chose à faire, bah oui je le ferai okay. Moi aussi je parle aux gens, j'ai souvent dit à la fin de mes rendez-vous avec les personnes je leur ai souvent parlé des maisons de service au public en regardant avec un petit flyer, avec une carte, en regardant avec eux la maison de service au public qui serait proche de chez eux. Et je leur ai transmis des horaires, des numéros de téléphone en leur disant « bah oui, c'est vraiment bien, il y a des ordinateurs, il y a des gens pour vous aider là-bas, pour les démarches administratives. » Donc je sais que par la suite, il y en a certains qui m'ont dit « bah oui, j'y suis allée du coup ». Après, quand on incite quelqu'un à faire quelque chose, je pense que c'est rare quand même les gens qui disent directement « Ah oui, je vais le faire ». Je pense voilà, ils ne se prononcent pas. Et puis après, c'est quelques mois après, quelques semaines après, ils vont garder ça en tête. Et puis lorsque vraiment ils auront un besoin spécifique, bah voilà, ils vont réactiver... leur connaissance de certaines structures et du coup, ils vont les contacter. Dans ta mission voilà. De service civique, il y avait un petit peu ce mot fracture numérique qui est un peu, on va dire, les personnes âgées face au numérique, c'est ça un peu, qui sont un peu désarçonnées, on va dire, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais voilà, qui sont un peu désarmées face à quelque chose qu'ils n'ont pas forcément appris, ils ne connaissent pas. Est-ce que justement, avec ce que tu fais, les gens, ça leur... fait baisser un petit peu la peur du numérique, l'appréhension, ou pour eux ça reste un énorme truc ouais. Horrible, inapprochable. Les gens, enfin ceux qui m'ont parlé vraiment de leur rapport, de leur vision du numérique, souvent ils me disaient ah là là, c'était plus sur le ton de la plainte quoi, de va falloir tout faire par internet, puis moi j'ai pas internet, hein, j'ai pas d'ordinateur, je pourrais pas. Après, pense que c'était des gens qui ne connaissaient pas non plus spécifiquement Internet et les ordinateurs et tout ce domaine-là. C'était plus, du coup, un peu des a priori. Mais du coup, après, moi, quand je faisais des démarches Internet avec eux, je dirais qu'il y avait d'autres cas de figure. Il y a des personnes qui ont un accès à Internet chez eux, ou alors qui pourraient en avoir un, ou qui pourraient avoir l'accès, je sais pas, chez un ami, ou à la médiathèque, ou je ne sais où. Alors du coup, j'essayais plus de leur montrer que là, on faisait une démarche. Vu que c'était une démarche administrative, on allait rentrer des données, saisir des données personnelles, et j'essayais de montrer que c'était important de garder la sécurité des données personnelles. Il y a des mots de passe, je leur montrais bien. Là, on va mettre un mot de passe compliqué. On nous pose des questions secrètes. Alors, choisissez une question secrète qui soit pertinente. Et puis aussi, leur montrer ce piège des... Quand on crée un compte personnel sur Internet, ils veulent nous piéger en nous demandant soit de cocher, soit de décocher des cases pour recevoir ou ne pas recevoir de publicité. Donc je leur montrais, vous voyez là, il faut lire toute la ligne, un petit peu réfléchir et cocher pour dire qu'on ne veut pas de pub, parce que sinon okay. Après on a des pubs, on n'est pas bien, on n'aime pas. Enfin, voilà, en gros c'était ça. Après, donc, voilà, il y avait ce premier cas de figure. Et puis, l'autre cas de figure, c'était plus devant des personnes qui n'ont aucune pratique de l'ordinateur et d'Internet. Et puis qui, a priori, ne vont pas s'y mettre. Là, je n'allais pas leur détailler toutes ces choses-là, quoi. J'essayais d'aller un peu plus rapidement et puis leur dire que, leur montrer que c'est fiable, quoi. Leur montrer que oui, c'est bien un site officiel, on ne fait pas n'importe quoi, on rentre des données qui sont justes, et puis on a bien eu un mail de confirmation, par exemple, que la démarche s'est faite, après je redonnais un papier pour leur prouver que la démarche était bien faite, voilà, plus des choses comme ça, quoi. Alors, quand on parle de personnes, de vieilles personnes, est-ce que tu saurais dire la moyenne d'âge des gens qui viennent te voir ? La moyenne, non. Du coup, c'était plutôt des personnes âgées, oui, plutôt de 60 ans. Ouais. Ouais. Ah, ouais. Enfin, plus ouais. Moins. Même plus, ouais, je sais plus. Ouais. Parce qu'à un moment, j'avais calculé une moyenne et puis après... Ok. Voilà. Après, c'était peut-être plus au feeling. Ça reste, ouais, comme tu dis, peut-être autour de 60 ans, des retraités ou des gens proches de la retraite, ouais. Et c'est représentatif des locataires de Vaugelis, ces personnes âgées? C'est-à-dire que, est-ce que c'est un gros pourcentage je sais pas, est-ce que les locataires de Vaugelis sont plutôt vieillissants? Enfin, je crois que j'avais trouvé un chiffre. C'était 39%. Ah non, c'était 39% des locataires n'ont pas Internet. C'est pas forcément un lien avec l'âge. Okay. Tout à l'heure, je disais qu'il y a 35, plus de 35%, presque 36% des locataires qui ont plus de 60 ans. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc on rejoint un petit... Un bon gros tiers, proche de 60 ans. Ok. Et alors, du coup, comment ça se passe? Toi, du coup, tu es sur Épinal et sur Mirmont, pas forcément les deux autres, trois autres agences. Est-ce que les autres agences se sont dit, oh, ça serait intéressant d'avoir nous aussi des écrivains publics? Je ne sais pas, est-ce qu'ils vont avoir des nouveaux services publics? La suite, effectivement, c'est qu'on va continuer le partenariat avec Face Vosges et il y a en recrutement deux services civiques. Okay. Qui seront mis à disposition des agences, mis à disposition aussi, c'est un peu ça, des agences, de toutes les agences en fait, sur les Vosges. Donc je pense qu'on va faire un planning, une organisation, c'est pas encore défini, pour que il y ait des permanences un peu sur chaque site. Donc les prochains services civiques ont intérêt à être mobiles? Parce que si c'est Neufchâteau, oui, après je pense qu'on va quand même sectoriser, mais l'idée c'est que les personnes doivent être mobiles, ça c'est sûr. Colline, elle dispose du permis et c'est vrai qu'elle était amenée à se rendre chez des personnes, même si on essaye de faire sur rendez-vous plutôt à l'agence ou un point de connexion. Si nécessaire, elle peut aussi se rendre chez les personnes. Oui. Parce que prendre le train Épinal-Remiremont, c'était pas forcément une bonne idée vu qu'il y a aussi le fait d'aller chez les gens. Oui. C'est ça qu'il faut prendre en compte. Ok, c'est pour quand ce prochain service civique ? Il y a déjà une annonce sur le site du service civique. Ok. Alors, quand j'y suis allée, peut-être qu'il y a eu des modifications entre-temps. Ouais. Ça peut commencer début juin. Et on voit bien, enfin, oui, on voit bien sur l'annonce qu'ils cherchent un poste pour Épinal et Remiremont, et puis un autre poste pour, du coup, Neuchâteau, je ne sais plus les villes. Enfin, voilà. Mirecourt. Neuchâteau-Mirecourt, du coup, oui. Mais alors, du coup, dans cette annonce de service civique qu'on voit sur Internet, on ne va pas voir vraiment la description de là, tout ce qu'on vient de décrire, quoi. Mmh. Ça, c'est vraiment pas flagrant que c'est chez un bailleur social. C'est même pas affiché que c'est Vosgélis. Parce qu'en fait, c'est Face Vosges qui est organisme prescripteur. Voilà. Okay. Et puis, oui, voilà. Ouais. Ok, donc si les auditeurs sont intéressés, ça commence quand, on a dit ? En juin, mais juin. Après ça peut commencer plus tard. Quoi. Oui, voilà. Pour 8 mois plus Oui, c'est 8 mois. 8 mois, ouais. Pareil, il faudrait aller voir sur l'annonce. Peut-être qu'il y a eu des modifications, je ne sais toi, pas. Toi, tu as fait 8 mois, quand même. Ouais. Ouais. Voilà. Je vais proposer tout de suite une petite, deuxième petite pause rapide avec Washington Square de The Hems Brothers. Alors ça va sûrement vous rappeler quelque chose, c'est normal, ça a été repris un petit peu par plusieurs personnes. Je vous laisserai en tout cas deviner quel gros groupe a repris cette musique. From Cape Cod Light to the Mississippi, San Francisco Bay, they're talking about this famous place down Greenwich Village Way. They hoot and natty all the time with folks from everywhere. Come Sunday morning, rain or shine, right in Washington Square. And so I got my banjo out, just sitting catching dust, and painted right case, Greenwich Village or bust. My folks were sad to see me go, but I got no meaning there. So I said goodbye Kansas Mo and hello Washington Square. Near Tennessee I met a guy who played 12 string guitar. He also had a mighty voice, not to mention a car. Each time he hit those bluegrass chords, he sure smelled mountain air. I said, don't waste it on the wind, come on to Washington Square. Vous êtes toujours dans l'émission de Portrait Civique sur Radio Guémozo et vous venez d'entendre une musique Washington Square interprétée par The Hems Brothers. Et donc on est avec Colline, donc en service civique à Vosgélis. Et je me demandais, Colline, comment es-tu arrivée en service civique ? C'était du coup en, je dirais, juillet... juillet-août 2017, je me suis dit, autant faire un service civique, comme ça je vais trouver un emploi en attendant de reprendre mes études, un emploi où j'aurai du contact avec du public. Parce que ce serait pas forcément évident de trouver avec un autre emploi, un autre type de contrat. Donc voilà, j'ai regardé sur le site du service civique, j'ai dû trouver 4-5 annonces intéressantes, j'ai postulé. Et puis après, j'ai eu 2 entretiens, un à Vaugelis et puis un, du coup, c'était une structure qui s'appelle Le Lavoir à Taon, je crois. Voilà. Ouais, ouais, ouais. Et donc voilà, après, voilà, j'ai été acceptée à Vaugelis. Et puis, du coup, j'ai commencé à la mi-septembre 2017. Donc toi, tu recherchais un service civique dans le social, tout ce qui est un peu le thème solidarité, je crois, c'est ça ? Oui, c'est ça, c'est ça. Ok, mais comment tu connaissais le service civique ? Quelqu'un t'en avait parlé ou le bouche à oreille Je pense que je connaissais... Ça remonte à trop loin. je sais pas, j'ai l'impression que j'ai toujours connu. Enfin, okay. J'ai connu le contrat et puis son fonctionnement. Voilà, pour moi, c'était clair. Ouais. Après, non, autour de moi, il n'y a pas tellement de personnes. Et même... Ah si, j'ai eu une amie d'enfance qui a fait un service civique, mais sinon, non, voilà, c'est tout. Et très bien. Et alors, du coup, tu nous as dit que tu allais reprendre tes études, c'est ça, après le service civique ? C'est ça. Alors dis-nous tout, qu'est-ce que tu fais comme études ? Du coup, en septembre, je vais reprendre des études en BTS économie sociale et familiale. Ok. Voilà. Est-ce que ça a à voir avec ce que tu faisais avant ? Parce que j'imagine, avant, tu as fait un peu d'autres études avant le service civique ? Oui. Alors du coup, j'ai fait une licence de psycho. Mm-hmm. Et après, j'ai fait je suis partie à Paris, j'ai fait un premier master. Enfin, j'ai essayé en fait. Mm-hmm. Pour vous spoiler le truc, je n'ai pas réussi mon master, voilà. Okay. On peut dire ça comme ça. Donc, master de psychologie sociale et du travail à Paris 8. Et après, j'ai voulu redoubler et je suis partie à Amiens. Ok. Pareil en psychologie sociale. Mais du coup, après, je n'ai pas finalisé cette année-là, en 2017. Donc, j'ai arrêté, voilà. Ok, ça ne t'intéresse pas du tout de reprendre ce master ? Eh bien, si, ça m'intéresse bien, mais le domaine vraiment m'intéresse, quoi. Enfin, de toute façon, pour moi, la psychologie sociale, j'en vois partout. Enfin, je veux dire, vraiment, ça m'intéresse, quoi. Y a pas... Mais je me dis qu'avec un métier dans le social, ce sera intéressant parce que de toute façon, je peux appliquer et utiliser des connaissances de la psychologie sociale. Enfin, c'est totalement adapté, quoi. Totalement pertinent pour ça. Et donc voilà. Ce BTS, ça va être du coup vachement. Enfin, peut-être plus pratique. Oui, voilà, c'est ça. Tu auras des stages. Est-ce que tu vas être en alternance ou pas Ah, bah du coup, il faudrait que je trouve un contrat en alternance. Mais. Donc, si quelqu'un nous écoute, quel genre de personnes peuvent te prendre en alternance? Ah, bah c'est vraiment très très large. Ok. Parce que ce BTS, économie sociale et familiale, ça touche vraiment beaucoup de domaines. De l'aide à la personne, on va dire, de l'accompagnement. Puis ça peut même être, on peut même être à des postes qui sont pas directement en contact avec des bénéficiaires en tout temps, quoi. Ça peut être créer de la documentation sur le domaine de la santé, la prévention, voilà, quoi. Ça te fait pas un peu peur de reprendre les études après le service civique ? Non. Ok, au contraire, c'est tu restes dans le même thème et ça va te remotiver. Non, après moi je me dis que, j'ai pas de difficultés dans les études, quoi. Donc je pars de là, voilà, quoi. Alors, je t'ai croisé, Colline, il faut le dire aux auditeurs, donc à la formation Mirador. Donc Mirador, c'était la première association que j'ai interviewée dans Portrait Civique, donc avec Lucie qui était en service civique. Et j'ai découvert qu'ils faisaient des formations à plein de structures différentes, dont une formation pour les services civiques. Donc j'y suis allée la semaine dernière. Et donc voilà, c'était vraiment une formation sur comment régler les conflits, on va dire, c'était le thème général. Qu'est-ce que t'en as pensé, Colline ? Est-ce que tu penses... Alors du coup, c'était un peu à la fin de ton service civique, mais si tu l'avais eu au début de ton service civique, tu penses que ça t'aurait apporté quelque chose dans ton service civique ? Alors... Bah, du coup, est-ce que ça m'aurait apporté quelque chose? Ah, t'as pas forcément encore fait le point. Réfléchi. Parce que je revois des situations où c'était un peu conflictuel avec des personnes. Mais au final, maintenant que j'ai eu la formation, je me dis que franchement, j'ai bien réagi, quoi. Enfin, okay. Sans me vanter. Ouais. Mais okay. J'avais bien réagi. Après, ça reste intéressant de cette formation. Elle aurait quand même été intéressante pour me rendre compte qu'en fait, j'avais bien agi et ne pas me poser de questions sur « Ah bah oui, mais alors, comment est-ce que j'aurais pu faire ce genre de questions ?» Et puis oui, ça permet quand même de prendre du recul sur les conflits et ce qui les génère, et puis se dire que voilà, on n'est pas seul responsable du conflit, voilà, ce genre de choses. Ok, alors tu recommanderais cette formation ? Oui. Pour les gens qui sont en service civique et qui cherchent une formation ? Oui, bah moi en plus je la recommanderais, surtout que dans le catalogue de formation que j'ai regardé, il n'y a que celle-ci qui m'a intéressée, quoi. Franchement, okay, donc ça c'est clair. Enfin, okay. C'était, il n'y avait pas de comparaison, enfin franchement. Ouais, ouais. Ok, voilà, quoi. Et très bien, et est-ce que tu recommanderais le service civique en général et particulièrement à Vaugelis? Oui. Deux questions. Alors, le service civique en général, bah oui, oui, je recommanderais, parce que c'est un bon moyen d'avoir de l'expérience. Après, je vois, enfin, j'ai pas été trop en contact avec des gens en service civique. Dans les quelques formations que j'ai faites, j'ai l'impression qu'il y a un peu deux profils. Il y a des gens qui ont déjà eu une formation, je sais pas, dans le domaine social, dans le domaine de l'environnement, enfin voilà, dans certains domaines. Et ils vont réutiliser leurs connaissances acquises par ailleurs lors de leur service civique. Je vois mon amie d'enfance qui a fait son service civique. C'était une fois qu'elle a été diplômée assistante sociale qu'elle a fait un service civique. Et elle a vraiment utilisé ses connaissances d'assistante sociale dans son service civique. Donc voilà, il y a ce cas-là qui est intéressant. Et puis il y a aussi le cas de gens qui n'auraient pas spécialement la formation attendue, entre guillemets, et voilà, qui pourront acquérir de l'expérience en service civique. Ok, voilà. Tu penses qu'à Vaugelis, on peut n'avoir aucune expérience dans le social, aucune expérience dans la psychologie du travail, et venir quand même à Vaugelis? Ah oui, bien sûr. Après, je ne sais pas quel type de profil serait à exclure absolument. Enfin... Ouais, c'est vraiment ouvert à tout le monde, quoi. Oui, après, est-ce que ça existe des gens vraiment qui détestent autrui, qui veulent jamais rencontrer les gens, qui veulent pas leur parler, seraient absolument pas altruistes, ouais. Qui auraient aucune compréhension des gens? Je pense que ça existe pas, quoi. Enfin, voilà. En tout cas, j'espère qu'ils se connaissent assez eux-mêmes pour ne pas postuler à dans ce genre de mission de service civique, on va dire. Ok, alors malheureusement, l'émission est bientôt terminée. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose toutes les deux? Quelque chose sur Vaugelis, sur les prochaines missions en service civique, sur quelque chose en général? Dites-moi. On a fait le tour? Oh bah oui, on a fait le tour. Ok. Eh bien, je ne sais pas pour vous. Oui, moi je pense que voilà, on a bien présenté le contenu de la mission du service. Et ce que je peux donner peut-être comme conseil, c'est dans l'intervalle, le temps de retrouver quelqu'un qui puisse offrir ce service, et se diriger vers les maisons, les MSAP, les maisons des services au public, qui proposent, c'est peut-être un peu moins personnalisé, il n'y a pas de déplacement à domicile, mais c'est des lieux où il y a des personnes qui sont tout à fait capables et de proposer, en fait, d'aider les gens à faire leur démarche en ligne. Okay. Ou non d'ailleurs, mais en fait, d'aider à faire les démarches administratives. Ok, merci beaucoup à toutes les deux. Et puis à bientôt, j'espère. Merci. Merci d'être passé sur Radio Kimoso. Alors, en tout cas, pour nous, chers auditeurs, c'est bien peut-être la dernière émission de Portrait Civique. Je ne sais pas encore s'il y en aura une la semaine prochaine. En tout cas, n'hésitez pas à nous suivre sur Facebook ou sur notre site de Radio Kimoso pour savoir s'il y en aura une. N'hésitez pas également à réécouter les podcasts. Alors, je vous fais vite fait un petit une petite liste de ce qu'on a eu en service civique. On a eu tout d'abord une première émission avec Madame Nina, donc c'est vraiment une émission voilà, spéciale information pour savoir qu'est-ce que c'est un service civique, combien on gagne, combien ça marche. Et donc voilà, ça c'était la première. Après, on a eu Lucie de Mirador à Épinal, on a eu Sébastien du plateau Ivre à Vanier, on a eu Maxime Delabry à Pouxeux, Judith de etc. à Fraise, Justine et Jérôme de la ludothèque de Remiremont, Axel de Sport et Loisirs de Vincé, Ariane d'Adavier à Épinal, Pauline de la Maison de la Bresse, Clémence et Richard du Centre Social du Rumont à Remiremont, Loïc de la Souris Verte à Épinal, Antoine de la Lune en Parachute d'Épinal, et aujourd'hui donc c'était Vaugélis donc avec Colline. S'il y a un souci pour réécouter un de ces podcasts, n'hésitez pas à nous demander via Facebook ou via mail donc, pour réécouter ces émissions, surtout si vous êtes en recherche de services civiques. C'est toujours intéressant voilà, d'avoir des informations à ce sujet. Et en tout cas, je vous dis peut-être à la semaine prochaine et bonne semaine sur Radio Guimauzo. Oh.